السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. أما بعد، donc on est au sixième cours de explicatif des annulatifs de l'islam de Cheikh Mohamed bin Omar bin Salim Bazmoul, حفظه الله تعالى. Explication d'un livre dont l'auteur est Cheikh l'islam Mohamed bin Abdel Wahhab, رحمه الله تعالى. Et on est arrivé à la fin du quatrième naqid. Un naqid rabi'. Le cheikh il dit thalithan. Page 126. Alors qui sait me rappeler pourquoi il a dit thalithan? Troisièmement. De quoi il parle? Vas-y. Il y en a un qui a déjà dit la bonne réponse. Vas-y. Ça on a dit, mais pour, troisièmement par rapport à quoi? Sur le coup, donc vraiment ce point-là, il y avait certains points où les ulama ils étaient en accord, et d'autres où ils sont en divergence. Et d'autres points où ils sont en divergence, Naam. Donc ici c'est le troisième point, par rapport aux points ils sont en divergence. C'est juste, mais pourquoi? Qu'est-ce qu'il a dit par rapport à cette divergence? Le frère il l'a dit ici. Qu'est-ce que tu as dit? Les Samar al-Khilaf, il a dit c'est quoi c'est le fruit de cette divergence? On a cité deux points. D'accord? C'est quoi ces deux points? Si vous vous souvenez plus, c'est qu'il n'y a pas une révision. Alors vous avez toujours les notes devant vous, vous avez toujours le livre, vous avez toujours. C'est quoi les deux premiers points? Le premier point, c'est le fait que c'est un Khilaf qui est comme un Non, et puis? Et là, les frères, comme ça, Inch'Allah, si on finit un peu tôt aujourd'hui, parce qu'on va faire le cinquième entier aujourd'hui, Inch'Allah, et il se peut que je vous raconte une histoire par rapport à Charles Al-Bani, rahimahullah, par rapport à quelque chose qui va être dit dans ce dars, Inch'Allah. C'est pas grave, on continue, Inch'Allah. Thalithan, min thamaratil khilafi an yu'lama anna tanzil hadha an-naqd ala al-waqi'i qadiyatun khatiratun. فالمسألة النظرية تنبني على الاعتقاد المذكور أنها أحكم وأنها أحسن وهذا يزيد خطورتها عند التنزيل على الواقع ولذلك كان من ضوابط التكفير الرجوع فيها إلى ولاة الأمر من الأمراء والعلماء وليس هذا من شغل العلماء الذين ليسوا من ولاة الأمر ولا من شغل طلاب العلم. C'est un point important et ça on avait déjà soulevé dans le dars précédent, j'avais introduit cela. C'est le troisièmement parmi les fruits, c'est-à-dire troisièmement parmi les fruits de la divergence précitée, pour les frères qui n'étaient pas là et les sœurs qui n'étaient pas là ou qui n'ont pas entendu ce cours, ils sont disponibles en notes, en PDF et en audio sur notre site. Donc parmi les fruits de la divergence précitée, il y a le fait de savoir que l'application de cet annulatif à la réalité sur l'waqi' est une affaire comment ? Dangereuse. Car le point théorique se base sur la croyance citée précédemment. Vous voyez comme quoi le fait de suivre les cours les uns après les autres, hein, c'est important parce que si on n'a pas assisté au cours précédent, c'est pas de quoi il parle en termes de croyance. Il a dit, se base sur la croyance citée précédemment, c'est-à-dire donc qu'on a cité nous dans le cours précédent, que c'est plus sage et meilleur, et cela augmente son danger lors de l'application à la réalité. Et c'est pour cela que revenir à ce sujet aux gens qui détiennent le commandement parmi les gouverneurs et les savants, fait partie des règles du tekfir. Et cela ne fait pas partie de l'occupation des savants qui ne font pas partie des gens qui détiennent le commandement, ni de l'occupation des étudiants en sciences islamiques. Puis, il va donner un exemple, concret, des noms concrets de gens à cette époque-ci à qui on revient dans ce genre de masaïl et qui sont parmi les savants qui détiennent le commandement. Et il dit, والعلماء المرجوع إليهم في مثل هذه الأمور هم في وقتنا أمثال سماحة المفتي الشيخ عبد العزيز آل الشيخ والشيخ صالح الفوزان والشيخ صالح اللحيدان أطال اللهم في عمرهم ورزقهم الصحة والعافية فأهل العلم هؤلاء هم الذين يرجع إليهم في هذه المسائل ولا يرجعوا إلى غيرهم. Il dit, et les savants auxquels on revient dans ce genre d'affaires sont à notre époque comme, à l'exemple de Cheikh, son éminence, le mufti, Cheikh Abdelaziz Ali Cheikh, et Cheikh Saleh Al-Fawzan, et Cheikh Saleh Al-Haydan, qu'Allah allonge leur temps de vie et leur attribue la bonne santé et les préserve. Puis il dit, le cheikh, les gens de science sont donc ceux vers qui on revient dans ce genre d'affaires et on ne revient pas à d'autres qu'eux. Il explique pourquoi. Il dit, لِأَنَّكَ حِينَمَا تُرِيدُ أَن تُكَفِّرَ حَاكِمًا مَا تَحْتَاجُ إِلَى مَا يَلِي أَوَّلًا أَن تُثْبِتَ أَنَّ مَا صَدْرَ مِنَ الْحَاكِمِ عِنْدَكَ فِيهِ مِنَ اللَّهِ بُرْهَانَ أَنَّهُ كُفْرٌ ثانياً أن تثبت أن صدر أنه عفوا أنه صدر من الحكام على الوجه الذي هو كفر والرجوع في ذلك إلى أهل العلم لا نتجاوزهم إذ نعلم أن السلامة والأمانة في لزوم غرزهم وأنهم ورثة الأنبياء فهم أخشى لله منا وهم أتقى لله منا وهم أعلم بالله منا فلا نخالف قولهم ولا نخرج عن توجيههم ولا عن إرشادهم هؤلاء هم النجوم التي يهتدي الناس بها هؤلاء العلماء الذين عرفناهم باتباع الكتاب والسنة على فهم السلف الصالح. Donc Cheikh il dit, les gens de science sont donc ceux vers qui on revient dans ce genre d'affaires. On ne revient pas à d'autres qu'eux. Car lorsque tu veux juger un mécréant, un gouverneur quelconque, tu as besoin de ce qui suit. Premièrement, que tu établisses que ce qui émane du gouverneur, que tu as ce sujet, une preuve venant d'Allah, est une mécréance. Deuxièmement, que tu établisses que cela émane du gouverneur de la manière qui est une mécréance. Et ça, on réfère par rapport à ce qu'il avait dit, on avait dit dans le darf précédent. Parce qu'il se peut que ce ne soit pas de la manière qui soit une mécréance. D'accord ? Il dit le shir, et à ce sujet, il faut revenir aux gens des sciences, et nous ne les dépassons pas, car nous savons que la sûreté et la sécurité résident dans le fait de s'attacher à leurs pas, et qu'ils sont les héritiers des prophètes. D'accord ? Et il dit le shir, car ils craignent plus Allah que nous. Ils sont plus pieux envers Allah que nous. Et ils sont plus savants au sujet d'Allah que nous. Et donc, nous ne transgressons pas leurs paroles. Et nous ne sortons pas de leur orientation ni de leur guidance. Parce que c'est le ulama, il a cité en plus pas n'importe quel ulama, ceux qui détient le commandement, hein, qui ont cette aptitude et cette capacité. Et c'est eux qui ont cette responsabilité. Ils ont l'ilm, etc. D'accord ? Ils savent quand c'est de la mécréance et quand ça s'applique sur un individu spécifique ou pas, etc. etc. Le cheikh, il dit d'ailleurs, il dit, ceux-là sont les étoiles par lesquelles les gens s'orientent. Ceux-là sont les savants que nous avons connus pour leur suivi du Coran et de la Sunna selon la compréhension des pieux prédécesseurs. Ce sont ceux, et ça il continue ici, il dit, هم الذين علمناهم يحرصون على تحقيق المصلحة العامة والمصلحة الخاصة لتنفع الإسلام وتنفع المسلمين وتحفظ الدين بحفظ الله سبحانه وتعالى. هؤلاء هم العلماء الذين ينبغي أن نرجع إليهم. Donc, Cheikh il dit, ce sont ceux au sujet desquels nous avons su qu'ils désirent ardemment la réalisation du bien général et du bien particulier, afin que cela bénéficie l'islam et que cela bénéficie les musulmans, et que la religion soit protégée par la protection d'Allah le Très-Haut, subhanahu wa ta'ala. Ceux-là sont les savants vers lesquels il convient que nous revenions. Et d'ailleurs, par rapport à ce qu'on a dit par rapport à la manière, etc., est-ce que c'est une mécréance ou pas, etc., ça me rappelle moi personnellement une règle. Cheikh Mohamed Amel Jaimi, rahimahullah, il avait fait une risala que sur cette règle-là. Une règle qui est connue chez les ulama qui dit « Al-hukm al-shay far'un an tasawwurihi ». D'accord ? Le fait de juger sur quelque chose, ça découle de la vision qu'on a de cette chose. D'accord ? Et vous entendez beaucoup de gens qui, évidemment, ce n'est pas des savants qui se permettent de juger mécréants certains gouverneurs, etc. À la base, ils le font sur des points qui ne sont même pas quoi de... Ils ne sont même pas de la mécréance. D'accord ? Parce que leur tasawwur, il est faux. Il n'est pas correct, il n'est pas basé sur la science. Ça, c'est un point en passant que je vous rapporte en plus. Et le cheikh, il dit, et regardez la modestie du cheikh, cheikh Mohamed bin Omar bin Salim Bazmoul, hafidahullah ta'ala, qui fait partie des savants de la communauté, il dit, وهذه الدعاء المتكررة من أمثال من طلبة العلم نقتدي فيها بالسلف الصالح. فإذا كان عبد الله بن مسعود رضي الله عنه يقول في وقته تعلموا العلم قبل أن يقبض وقبضه أن يذهب أهله ألا وإياكم التنطع وتعمق وتبدع وعليكم بالعتيق. Puis Cheikh, il fait une discussion par rapport au sanad de Athar. Il rapporte qu'il a été apporté aussi dans, par le Bihaqi dans le Madkhal et avec une chaîne de transmission authentique où il dit Wahada isnadun sahih. Puis il termine cette phrase, il dit Fama ba'lukum bit tadhkir bidhalika fi zamanina. فهذه سنة العلماء وسنة طلاب العلم دائما يحثون الناس على الرجوع إلى العلماء ولأن دعاة الضلالة كثر ولأن دعاة الباطل كثر ولأننا نعيش انفتاحا إعلاميا. Donc Cheikh il dit, حفظه الله تعالى, ceux-là sont les savants vers lesquels il convient que nous revenions. Et cet appel répété de gens comme moi, le Cheikh dit, parmi les étudiants en sciences islamiques, nous suivons cela l'exemple des pieux prédécesseurs. Si Abdullah ibn Mas'ud, radiallahu anhu, quand Allah l'agré disait à son époque, apprenait la science avant qu'elle ne soit prise, et sa prise est que ces gens s'en aillent, prenez garde à la dureté, l'exagération, et à l'approfondissement, c'est-à-dire l'approfondissement des affaires autre mesure, et à l'innovation, et attachez-vous à al-atiqa. Et ce Athar, comme j'ai déjà dit, il est rapporté par le Bayhaqi, notamment dans le Madkhal, avec une chaîne de transmission authentique. Et Cheikh, il dit, qu'en est-il alors du fait de rappeler cela à notre époque? Cela est donc toujours la voie des savants et la voie des étudiants islamiques. Ils incitent les gens à revenir aux savants. Et car ceux qui appellent à l'égarement sont nombreux. Et car ceux qui appellent au faux sont nombreux. Et car nous vivons une ouverture médiatique. Et le messager d'Allah a dit, des prédicateurs aux portes de l'enfer, ceux qui répondent à leur appel vers l'enfer, ils les jetteront. Et le messager d'Allah a dit, قال تلزم جماعة المسلمين وإمامهم قلت فإن لم يكن لهم جماعة ولا إمام قال فاعتزل تلك الفرق كلها ولو أن تعض بأصل شجرة حتى يدركك الموت وأنت على ذلك. يقدم النصوص الشرعية كما المضخ المنهج السويفر دون الفتن. Et je vous avais, c'est un hadith qu'on a déjà traduit dans l'usul sita, vous vous souvenez de Sha'oubaid al-Jabiri hafidhahu Allah, et c'est un hadith qui est expliqué de manière très étendue dans un cours en entier que sur ce hadith par Cheikh Obeid al-Jabiri hafidhahullah ta'ala. Le hadith il dit, le messager d'Allah s.a.w. dit, des prédicateurs aux portes de l'enfer, ceux qui répondent à leur appel vers l'enfer, ils l'y jetteront. Je dis, ô messager d'Allah, décris-les-nous. Décris-les-nous, il dit sallallahu alayhi wa sallam, ils sont des nôtres et parlent notre langue. Quand il dit je dis, c'est qui parle ici? C'est qui parle au prophète alayhi sallallahu alayhi wa sallam? C'est Hudayf? Hudayf ibn al-Yaman. Radiallahu anhu arda. Il dit sallallahu alayhi wa sallam, ils sont des nôtres et parlent notre langue. Je dis, que m'ordonnes-tu si je vis jusqu'à vivre cela? In adarakaniya dhalik. Il dit, sallallahu alayhi wa sallam, tu t'attaches au groupe des musulmans, c'est-à-dire au corps des musulmans, hein, au groupe des musulmans et à leur imam. Un groupe avec un grand G, hein, le groupe, le corps des musulmans. J'ai dit, et s'ils n'ont ni groupe ni imam, il dit, sallallahu alayhi wa sallam, isole-toi de tous ces groupes, et c'est même si tu mords la racine d'un arbre jusqu'à ce que te vienne la mort alors que tu es dans cet état. Rapporté par le Bukhari numéro 3606 et Muslim numéro 1847, et c'est donc un hadith qu'on appelle Muttafaqun Alayh. Puis une petite note de bas de page ici par rapport à la page précédente 128 en arabe, par rapport quand il a dit ils sont des nôtres et parlent notre langue. Et j'avais déjà rapporté dans le cours des Cheikh Obeid à l'époque une faïda de Cheikh Abdelaziz bin Baz rahmatullah alayh dans son ta'liq de Sahih al-Bukhari, ses annotations sur Sahih al-Bukhari, quand il avait dit ils sont des nôtres et parlent notre langue. Cheikh, qu'est-ce qu'il dit ici, Cheikh Bezmoul? Il dit, كف على صفة دعاة الضلالة والرسول صلى الله عليه وسلم يدعو المسلمين إذا كثر هؤلاء بلزوم الجماعة فهذا سبيل النجاة من فتنة هؤلاء لا تكفير ولاة الأمور والخروج عليهم وشحن قلوب الناس ضدهم. Note de bas de page du Cheikh, il dit, Cheikh Bezmoul, حفظه الله, enfin Mohamed Bezmoul, fait un arrêt quant à la description de ceux qui appellent à l'égarement دعاة الضلالة, Le messager d'Allah sallallahu alayhi wa sallam appelle les musulmans, lorsque ceux-là se font nombreux, à s'attacher au groupe des musulmans, car c'est la voie pour être sauvé de la fitna de ceux-là, et pas le fait de juger les gouverneurs comme étant mécréants et se rebeller contre eux et remplir le cœur des musulmans contre eux. D'accord? Et voyez dans le contexte, la contextualité maintenant, hein, le nombre de du'at, de l'égarement, on va en citer quelques-uns. Mohamed Hassan, par exemple. D'accord? Vous avez des gens, par exemple, comme Abdelaziz Tarifi. Abdelaziz Tarifi, dont Cheikh Mohamed Ben Hadi, Al-Madkhali, et Cheikh Suleiman Rouhaili, et d'autres mashaykhs, il n'y a pas longtemps, ils ont une assise à Médine, ils disaient que c'était un tekfiri. Et donc, méfiez-vous de certains francophones qui les citent. Et qui appellent, hein, qui retweetent pour eux et qui appellent à eux, qui appellent, hein, à écouter et qui diffusent leurs paroles. D'accord? Vous avez de nombreux du'at de l'égarement, les adou billah. Vous avez Adnan Arour, hein, vous avez Ali Hazel Halabi. D'accord? Vous avez le Maghraoui. Oui, vous avez la, et sa position par rapport à la tentative de révolution, qu'Allah fasse qu'elle, hein, le prenne. Elle n'arrive jamais, elle ne se concrétise jamais au Maroc, dans tous les pays musulmans. La tentative de révolution qui est au Maroc, quand il a dit que c'était une sauratun mubarakatun, c'était quoi? Une rébellion, quoi? Bénie. Et vous comprenez, hein, le ilm, la vision, la clairvoyance des savants de la sunna qui, déjà, il y a, hein, nombreuses années, disaient le Maghraoui c'est un tekfiri. Continue la parole du Cheikh Mohamed Bazmoul, hafidahullah, il dit: wa tariqul hadari minhum wa tariqul amani minhum wa tariqul khulus min sharrihim luzum jama'at al muslimin wa imamihim ilzam jama'at al muslimin wa imamahum taslam fad du'at lid dalalati al yawm kuthur wa min al masail allati yudandinu 'alayha ha'ula. Ce verbe là, ce mot là, yudandinu. Il se peut qu'à la fin, je vous rapporte une histoire par rapport à rien que ce mot-là, Yudandino. Quand j'entends ce mot-là, je pense à Cheikh l'Albani, rahimahullah. C'est un mot que Cheikh l'Albani, il utilisait beaucoup. Hein? Dandana, Yudandino, Dandanatan. Ce mot-là, Yudandino. Et je vais vous raconter, je vous ai apporté une histoire de Cheikh l'Albani, rahimahullah. Dès que j'entends ce mot, subhanallah, ça me rappelle un hadith d'abord, mais ça rappelle Cheikh l'Albani qui rapporte ce hadith dans un contexte, inshallah. Donc il a dit: ومن المسائل التي يدندن عليها هؤلاء مسألة الحكم بغير ما أنزل الله ويرتقون بها إلى تكفير الحكام والخروج عليهم بدون أن يضبطوا الباب ويراعوا شروط ذلك فيجر المجتمع إلى ويلات ونكبات تفتح أرض المسلمين لعدوهم فإن لله وإنا إليه راجعون ولا حول ولا قوة إلا بالله. Cheikh dit: et la voie pour être sur nos gardes quant à eux. Il parle de qui? Des du'at. Du'at al-dalala, les ceux qui appellent à l'égarement. Et la voie pour être préservé d'eux. Et la voie pour nous débarrasser, pour nous débarrasser de leur mal. C'est quoi cette voie? C'est nous attacher au groupe des musulmans, jama'at al-muslimin, et à leur imam. Le cher Rabia, qu'est-ce qu'il dit? Jama'at واحدة لا جماعات وصراط واحد لا عشرات. C'est le titre d'un livre d'ailleurs. Hein? C'est quoi? C'est une jama'a et pas des groupes. Un groupe et pas des groupes. Et une voie droite et pas une dizaine. Ou des dizaines. Asharat. Attache-toi au groupe des musulmans et à leur imam. Le Cheikh il dit et tu seras sauf. Cheikh il dit: donc ceux qui appellent à l'égarement sont aujourd'hui nombreux. Et parmi les affaires autour desquelles cela parle, c'est l'affaire du jugement par autre que ce qu'Allah a fait descendre. Et par cela, il monte en degré jusqu'à arriver à juger les gouverneurs comme étant mécréants. Et à se rebeller contre eux. Sans qu'ils ne maîtrisent le sujet. Et sans prendre en considération les conditions de cela. Et donc, ils amènent à la société des malheurs et des désastres qui ouvrent la terre des musulmans à leur ennemi. D'accord? Et on a des exemples concrets de nos jours. À cette époque, Allah al-Musta'an. Et Cheikh il dit d'ailleurs: c'est certes à Allah seul que nous appartenons, et c'est vers lui seul que nous retournerons, et il n'y a de force ni de puissance qu'en Allah subhanahu wa ta'ala. Donc vous voyez le danger de parler de, dans ce genre de masaïl qui sont des masaïl précises et dangereuses, alors que nous ne sommes pas des gens aptes à en parler. Et le mal qu'on peut amener à nous-mêmes d'abord, et à la communauté, et aux musulmans, et à l'islam, lorsqu'on rentre dans des sujets qui ne sont pas à notre niveau. Cheikh il dit, يستدلون على الناس بالمتشابه ولا يحسنون تنزيل الأحكام على الواقع بخلاف طريق أهل العلم طريقة أهل العلم الذين يردونها. Alors pour les frères qui ont l'arabe ici, lisez la phrase. Moi je pense qu'il y a une inversion dans l'impression. Wallahu alam. Il dit ici الذين يردون المحكم إلى المتشابه. Alors comment qu'est-ce qu'on fait? نرد المتشابه إلى المحكم. Donc j'ai téléphoné à Cheikh Bezmoul aujourd'hui, j'ai pas eu, il a pas répondu, je voulais lui poser la question. Mais moi je pense que c'est une erreur d'impression, hein, que normalement c'est ce qu'on nous on connaît dans le Usul en tout cas, c'est le mutashabih ila al-muhkam. Donc on va le traduire comme ça. Le mutashabih ila al-muhkam. On tourne le mettant un point d'interrogation comme j'ai fait moi. Il dit, je termine la phrase en arabe, « وَيُثْبِتُونَ وَيَتَثَبَّتُونَ فِي تَنْزِيلِ الْأَحْكَامِ عَلَى الْوَاقِعِ » وينظرون في ثبوت الشروط وانتفاء الموانع قبل الحكم بتكفير المعين مراعين في ذلك ما يحقق المصلحة ويدرأ المفسدة. Chérie, ils utilisent pour prouver aux gens des textes à équivoque et n'appliquent pas bien les jugements à la réalité. Contrairement à la méthode des gens de science qui renvoient les textes à équivoque aux textes qui sont sans équivoque. Et s'assure dans l'application des jugements à la réalité. Et regarde l'établissement des conditions et l'absence des barrières. Encore cette notion de shurut mawani qui revient toujours. Avant de juger l'individu spécifique comme étant mécréant, prenant en considération dans tout cela ce qui concrétise le bien et repousse le mal. D'accord? Cette notion de mafas ou de masalih. Et ça, c'est que les gens de science qui savent se prononcer à ce niveau-là et qui ont la science pour se prononcer à ce niveau-là, la sagesse et la piété, etc. Comme le cheikh l'a dit lui-même, pour se prononcer sur des sujets tels que celui-là. On a fini le quatrième quoi? Annulatif. Cinquième annulatif même. Qui le connaît par cœur? Qui veut le réciter? Personne? قال المصنف رحمه الله قال المصنف رحمه الله السنكم ديريكت الخامس دي الخامس الخامس ما جاء به رسول الله صلى الله عليه وسلم ça c'est la suite de la phrase من أبغض شيئا مما جاء به رسول الله صلى الله عليه وسلم ولو عمل به كفر ولو عمل عمل به به كفر إجماعا نعم وجل ici cette version là إجماعا كفر إجماعا نعم إيوة والدليل قوله تعالى vous avez pas celle là vous avez pas le dalil si نعم parce qui connaît le dalil ذلك بأنه T'es sûr que c'est kafaro? Vas-y. ذلك بأنهم كرهوا ما أنزل الله فأحبط أعمالهم. نعم أحسن. جزاك الله خير. On traduit. Cinquième annulatif. Quiconque من أبغض شيئا مما جاء به الرسول صلى الله عليه وسلم ولو عمل به كفر إجماعا. Quiconque déteste quelque chose qui fait partie de ceux avec lesquels le messager d'Allah sallallahu alayhi wa sallam est venu. Et ce même s'il le met en pratique, aura mécru à l'unanimité. L'auteur qui, Cheikh l'Islam Mohammed ibn Al-Wahhab rahimahullah ta'ala, il dit قال المصنف رحمه الله تعالى الخامس من أبغض شيئا مما جاء به الرسول صلى الله عليه وسلم والعمل به كفر إجماعا والدليل قوله تعالى ذلك بأنهم كرهوا ما أنزل الله فأحبط أعمالهم. Le cinquième négatif, quiconque déteste quelque chose qui fait partie de ce avec lequel le messager d'Allah sallallahu alayhi wa sallam est venu, et ce même s'il le met en pratique, aura mécru à l'unanimité. Et la preuve de cela est la parole d'Allah dans la traduction du sens est, c'est parce qu'ils ont de la répulsion pour ce qu'Allah a fait descendre, il l'a rendu donc vaine leurs œuvres. Surat Mohammed, verset 9. Maintenant l'explication de Cheikh Mohammed Bizmoul, Allah ta'ala. Il est déjà 9h05, non? Non, 8h05. Je suis encore l'heure française, moi, ici. أصل الدين يقوم على محبة الرسول صلى الله عليه وسلم وعلى تعظيمه صلى الله عليه وسلم فهو تصديق ومعرفة وتعظيم لله سبحانه وتعالى ولرسوله صلى الله عليه وسلم لشرعه سبحانه وتعالى فمن أبغض شيئا مما جاء به الرسول صلى الله عليه وسلم فقد أبطل أصل الإيمان عن أنس قال قال النبي صلى الله عليه وسلم لا يؤمن أحدكم حتى أكون أحب إليه من والده وولده والناس أجمعين والحديث متفق عليه عن عبد الله بن هشام قال كنا مع النبي صلى الله عليه وسلم وآخذ بيد عمر بن الخطاب فقال له عمر يا رسول الله لأنت أحب إلي من كل شيء إلا من نفسي فقال النبي صلى الله عليه وسلم لا والذي نفسي بيده حتى أكون أحب إليك من نفسك فقال له عمر فإنه الآن والله لأنت أحب إلي من نفسي فقال النبي صلى الله عليه وسلم الآن يا عمر رواه البخاري فلا يتحقق إيمان أحدنا إلا بمحبة الرسول صلى الله عليه وسلم محبة تزيد على محبتنا لأنفسنا ولوالدينا وأولادنا ولمالنا ولأهلنا فما بالك بمن يبغض شيئا جاء به الرسول صلى الله عليه وسلم لا شك أنه بهذا ناقض لأصل الإيمان ومبطل له دوك شيخ الدي C'est une explication, commence de ce cinquième annulatif. La base de la religion repose sur l'amour du messager d'Allah sallallahu alayhi wa sallam et le respect profond envers lui sallallahu alayhi wa sallam. Et c'est donc une croyance, c'est une connaissance, c'est une vénération d'Allah et un profond respect pour son messager et sa religion. Donc quiconque déteste quelque chose parmi ceux avec lesquels le messager d'Allah sallallahu alayhi wa sallam est venu aura annulé la base de la foi. D'après Anas, qui l'a dit, le prophète sallallahu alayhi wa sallam a dit « Nul d'entre vous ne croira tant que je ne serai plus aimé par lui que son père et son enfant et tous les gens. » C'est un hadith qu'on avait déjà vu dans les « Mudakkarat al-Hadith al-Nabawi al-Sharif » de Cheikh Rabia. C'est le premier livre qu'on a fait ici à Birmingham. Il est sur notre site aussi. Il est rapporté par Al-Bukhari numéro 15 et Muslim numéro 44. Petite parenthèse, par rapport au cours qu'on faisait à l'époque, il n'y avait pas les notes, parce que je n'avais pas cette méthodologie à l'époque de mettre les notes directement sur le site. Il se peut que... Maintenant, il y a du travail. Rien que Usul Sunnah Cheikh Rabi, il y a déjà 22 dars. D'accord. Plus Usul Sitta, plus Usul Talata, plus Mudakkar la Hadith Nabawi Sharif. Donc il y a du travail, mais je pense, Inch'Allah, mettre les notes petit à petit sur l'ordinateur et les mettre sur le site. On demande à Allah qu'il nous facilite s'il y a bien dans cela. Puis il dit, et d'après Abdullah ibn Hisham, qu'il a dit, d'abord je vous donne la référence du hadith, il est rapporté par le Bukhari numéro 15 et Muslim numéro 44. Un autre hadith, c'est d'après Abdullah ibn Hisham, qu'il a dit, nous étions avec le prophète sallallahu alayhi wa sallam alors qu'il tenait la main de Omar ibn al-Khattab. Omar lui dit alors, ô messager d'Allah, tu es certes plus aimé par moi que toute chose à l'exception de fait de ma personne. Le prophète sallallahu alayhi wa sallam dit alors, non, par celui qui détient mon âme dans sa main, c'est-à-dire qu'il jure par Allah subhanahu wa ta'ala, quand je serai plus aimé par toi que ta propre personne. Omar lui dit alors, par Allah, tu seras plus aimé par moi que ma propre personne. Le prophète sallallahu alayhi wa sallam lui dit alors, al-an ya Omar, maintenant ô Omar. Et c'est rapporté par le Bukhari numéro 6632. Et le Cheikh Mohammed Bazmoul, il dit, la foi de l'un d'entre nous ne se concrétise donc que par l'amour du messager d'Allah, sallallahu alayhi wa sallam, d'un amour qui est supérieur à l'amour que l'on a pour nos propres personnes, et nos parents, et nos enfants, et notre argent, et notre famille. Qu'en est-il alors de celui qui déteste quelque chose parmi ceux avec lesquels le messager d'Allah, sallallahu alayhi wa sallam, est venu? Il n'y a aucun doute que par cela, il annule la base de la foi et la rend vaine. وَمَنْ إِنْعَقَدَ قَلْبُهُ عَلَى بُغْضِ شَيْءٍ مِمَّا جَاءَ بِهِ الرَّسُولُ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فَقَدْ نَاقَضَ هَذَا الْأَصْلَ وَلَوْ لَمْ يَعْمَلْ بِهِ لِأَنَّ الْكُفْرَ يَكُونُ بِالْقَوْلِ وَيَكُونُ بِالْعَمَلِ وَبِالْإِعْتِقَادِ وَبِالشَّكِّ كما أن الإيمان يكون باللسان ويكون بالاعتقاد ويكون بعمل الجوارح. Ça c'est une référence à quoi? À une des règles du tekfir qu'on a vu parmi les 15 règles qu'on a vu en introduction. Pour les frères qui n'étaient pas là ou qui veulent revoir, j'ai mis un lien dans le PDF, vous pouvez directement aller voir cette 9e règle du tekfir qu'on a vu à l'époque, que vous pouvez voir inshallah. Donc ici le cheikh il dit, et celui donc dont le cœur se noue sur la détestation de quelque chose parmi ceux avec lesquels le messager d'Allah sallallahu alayhi wa sallam est venu, aura donc annulé cette base. Et ce même s'il n'agit pas en fonction de cette détestation. Car la mécréance est par la parole, et par l'action, et par la croyance, et par le doute. Comme la foi est par la langue, et par la croyance, et par l'action des membres. Amal Jawari. Et puis, cher, il dit en note de bas de page, voir la 9e règle parmi les règles du tekfir dans l'introduction. Puis il cite des preuves. Wallahu tabaraka wa ta'ala yaqul fala wa rabbika la yu'minuna hatta yuhakkimuka fima shajara baynahum thumma la yajidu fi anfusihim harajan mimma qadayta wa yusallimu taslima. ويقول سبحانه وتعالى وما كان لمؤمن ولا مؤمنة إذا قضى الله ورسوله أمرا أن يكون لهم الخيرة من أمرهم ومن يعص الله ورسوله فقد ضل ضلالا مبينا. فالمسلم لابد أن يرضى ولا يسخط ولا يبغض شيئا مما جاء به الرسول صلى الله عليه وسلم ويسلم له عليه الصلاة والسلام. Donc il dit, et Allah le Très-Haut dit, dont la traduction du sens est, non, par ton Seigneur, ils ne seront pas croyants aussi longtemps qu'ils ne t'auront demandé de juger de leurs disputes et qu'ils n'auront éprouvé nulle angoisse pour ce que tu auras décidé et qu'ils se soumettent complètement à ta sentence. Cette notion de teslim que Cheikh Mohamed Al-Anjari nous a fait ici dans un cours, il n'y a pas si longtemps que ça, dans un quart de cours de manhaj, quand il a dit que le salafi doit avoir ce teslim complet, cette soumission complète. Et ça c'est un verset donc de Surat Nisa, verset 36. Et Allah le Très-Haut dit, dont la traduction du sens est, il n'appartient pas à un croyant ou à une croyante, une fois qu'Allah et son messager ont décidé d'une chose, d'avoir encore le choix dans leur façon d'agir. Et quiconque désobéit à Allah et à son messager, c'est égaré certes d'un égarement évident. Surat Al-Ahzab, verset 36. Et donc, c'est 65 Nisa et 36, non, sahih. Donc je répète, Surat Nisa, verset 65, et sur l'Ahzab, verset 36. Et je vais changer ça dans les notes, Inch'Allah. Et donc, il dit, le cheikh, et donc, il est obligatoire aux musulmans d'agréer et de ne pas désagréer, ni de détester quelque chose parmi ceux avec lesquels le messager d'Allah, sallallahu alayhi wa sallam, est venu, et de se soumettre à lui, alayhi salatu wa sallam. Quant à la difficulté éprouvée, c'est la page suivante, il dit, أما الحرج الذي ليس من هذا القبيل فهو ليس بكفر مثل ما جاء في قصة الحديبية من حديث عروة بن الزبير عن المسور بن مخرمة ومروان يصدق كل واحد منهما حديث صاحبه وفيه أنه صلى الله عليه وسلم قال لما فرغ من قضية الكتاب قال رسول الله صلى الله عليه وسلم لأصحابه سنتخنوا حديث beaucoup de فوائد dans ce hadith à prendre. Retournez dans Sahih al-Bukhari, je vous donne la référence inshallah. Nous, on s'attache juste à une partie du hadith. قال رسول الله صلى الله عليه وسلم أصحابه قوموا فانحروا ثم احلقوا قال فوالله ما قام منهم رجل حتى قال ذلك ثلاث مرات فلما لم يقم منهم أحد دخل على أم سلمة فذكر لها ما لاقي من الناس فقالت أم سلمة يا نبي الله أتحب ذلك أخرج ثم لا تكلم أحدا منهم كلمة حتى تنحر بدنك وتدعو حالقك فيحلقك فخرج فلم يكلم أحد منهم حتى فعل ذلك نحر بدنه ودعا حالقه فحلقه فلما رأوا ذلك قاموا فنحروا وجعل بعضهم يحلق بعضا حتى كاد بعضهم يقتل بعضا غما. الشيخ يسيت الحديث يدي دابور avant ça il dit quant à la difficulté éprouvée qui n'est pas de ce ressort, ce n'est pas une mécréance. Qui n'est pas de quel ressort? Du ressort de quoi? De la... Et voilà. Non, en français. Non. Comme ce qui était rapporté dans le récit d'Al-Hudaybiyah, qui est un long hadith, il y a beaucoup d'enseignements tirés de ce hadith. D'après le hadith de Urwa ibn Zubair, d'après le Miswar ibn Makrama et Marwan, chacun des deux confirmant la véracité du hadith de l'autre, et dans lequel il y a que le messager d'Allah, lorsqu'il a fini avec l'affaire de l'écrit, il dit à ses compagnons, levez-vous et immolez votre bête, puis rasez-vous la tête. Il dit, par Allah, aucun homme parmi eux ne se leva jusqu'à ce qu'il, sallallahu alayhi wa sallam, le dise trois fois. Et donc, lorsque personne ne se leva, il entra, sallallahu alayhi wa sallam, chez Salama. Il lui raconta ce qu'il avait trouvé de la part des gens. C'est le fameux hadith où le Mughira ibn Shu'ba, il était avec son sabre, il gardait le prophète, sallallahu alayhi wa sallam. Et que Urwa, il tenait quoi? La barre du prophète, sallallahu alayhi wa sallam, et que le Mughira, il lui a tapé la main. Il y avait ta'adim, le hub des sahaba par rapport au Rasul, sallallahu alayhi wa sallam. Il lui a tapé de son sabre la main. Parce qu'il a touché la barre du prophète, sallallahu alayhi wa sallam. Et une histoire qu'il y avait entre Urwa et le Mughira, etc. C'est un peu trop long, on ne va pas entrer dans les détails. C'est juste pour vous susciter votre curiosité, allez voir dans Sahih al-Bukhari, Inch'Allah. Donc je répète ici, et donc lorsque personne ne se leva, il entra sallallahu alayhi wa sallam chez Salama et lui raconta ce qu'il avait trouvé de la part des gens. Salama lui dit alors, regardez l'épouse du prophète alayhi sallallahu alayhi wa sallam. Ô prophète d'Allah, aimerais-tu cela? Sors, puis n'adresse la parole à personne, parmi eux jusqu'à ce que tu immoles tes bêtes, et appelle ton coiffeur qu'il te rase la tête. Il sortit donc, alayhi sallallahu alayhi wa sallam, et n'adressa la parole à personne parmi eux jusqu'à ce qu'il ait fait cela. Il immola ses bêtes et appela son coiffeur qui lui rasa la tête. Lorsqu'ils virent cela, ils se levèrent et immolèrent et ils se rasèrent la tête les uns des autres à tel point qu'ils faillirent s'entretuer les uns les autres en raison de la pression de la foule. Ramma. L'izdiham. Comme c'est rapporté dans certains shuruhats de Sahih al-Bukhari. Petite faïda en passant aussi, c'est que Cheikh al-Uthaymeen, rahimahullah, il prend ça comme règle, dalil comme pour la règle qui dit que da'wat al-fi'l, elle est comment? Par rapport à da'wat al-qawl. Qu'il y a un ta'fir par rapport au fait de faire da'wa par l'action, par rapport à la da'wa par la parole. D'accord? Donc, ça, c'est une petite faïda en passant que Cheikh al-Uthaymeen l'avait dit. Et je vous rapporte la référence, si vous voulez retourner au hadith, rapporté par le Bukhari numéro 2734. Et puis, le Cheikh, il dit فَتَوَقُفُمْ إِنَّمَا كَانَ مِنْ مَحَبَّةٍ. Regardez la compréhension des ulama du hadith. فتوقفهم إنما كان من محبتهم للرسول صلى الله عليه وسلم ورغبتهم أن يفعلوا مثل ما يفعل فما كان المبدأ عندهم بغض أو كره ما جاء به الرسول صلى الله عليه وسلم إنما كان المبدأ الحرص على مزيد اتباع لما جاء به الرسول صلى الله عليه وسلم لأنهم يرون أن ما اختاره الله لرسوله صلى الله عليه وسلم هو الأكمل هو الأفضل وأنه صلى الله عليه وسلم قد يأمرهم بما هو أيسر فالقضية التي صدرت منهم ليست من الحرج الذي هو كفر وبغض إنما قضية أخرى من جانب آخر بمنظور آخر منهم فالحرج من هذا القبيل ليس كفرا مخرجا من الملة. Le fait donc qu'ils s'abstiennent n'était qu'en raison de leur amour pour le messager d'Allah sallallahu alayhi wa sallam et leur désir de faire comme il fait, et donc le principe n'était pas chez eux une détestation ou une répulsion envers ceux avec lesquels le messager d'Allah sallallahu alayhi wa sallam est venu. Mais le principe n'était rien d'autre que leur diligence à augmenter leur suivi de ceux avec lesquels le messager d'Allah sallallahu alayhi wa sallam est venu. Car ils voient que ce qu'Allah a choisi pour son messager est le plus complet et le meilleur, alors qu'il peut sallallahu alayhi wa sallam leur ordonner ce qui est plus facile. Et donc l'affaire qui a émané d'eux n'est pas une difficulté qui est de la mécréance ou de la détestation, mais ce n'est rien d'autre qu'une autre affaire, sous un autre angle, sous une autre vue de leur part. Et donc la difficulté qui est de ce type n'est pas une mécréance qui fait sortir de la religion. قال ابن تيمية رحمه الله والعمل يحبط بالكفر. قال سبحانه ومن يرتد منكم عن دينه فيمت وهو كافر فأولئك حبطت أعمالهم. وقال تعالى ومن يكفر بالإيمان فقد حبط عمله. وقال ولو أشركوا لحبط عنهم ما كانوا يعملون. وقال لئن أشركت ليحبطن عملك. وقال ذلك بأنهم كرهوا ما أنزل الله فأحبط أعمالهم. وقال ذلك بأنهم اتبعوا ما أسخط الله وكرهوا رضوانه فأحبط أعمالهم. كما أن الكفر إذا قرنه عمل لم يقبل لقول تعالى إنما يتقبل الله من المتقين. وقوله الذين كفروا وصدوا عن سبيل الله أضل أعمالهم. وقوله وما منعهم أن تقبل منهم نفقتهم إلا أنهم كفروا بالله وبرسوله. شيخ الدين وهذا ظاهر ولا يحبط الأعمال غير الكفر لأن من مات على الإيمان فإنه لابد أن يدخل الجنة ويخرج من النار إن دخلها أو يخرج من النار إن دخلها ولو حبط عمله كله لم يدخل الجنة قط ولأن الأعمال إنما يحبطها ما ينافيها ولم ينافي الأعمال مطلقا إلا الكفر هذا معروف من أصول أهل السنة نعم قد يبطل بعض الأعمال وقد قد يبطل بعض الأعمال بوجود ما يفسده كما قال تعالى لا تبطلوا صدقاتكم بالمن والأذى ولهذا لم يحبط الله أو لم يحبط الله الأعمال في كتابه إلا بالكفر انتهى كلام ابن تيمية رحمه الله من الصارم المسلول كيف سي كوا سو ليفر الصارم المسلول Vas-y, tu commences puis tu t'arrêtes. Hein? Dis-le. C'est le sujet, c'est ça. C'est par rapport hein, au fait d'insulter le prophète, alayhi salatu wassalam. Ibn Taymiyyah, rahimahullah, il a ce livre-là qui s'appelle As-Sarim al-Masloul. Ibn Taymiyyah, rahimahullah, quand il fasse miséricorde, il a dit et les actions sont annulées pour la mécréance. Pardon, et les actions sont annulées par la mécréance. Alors le très haut dit, selon la traduction du sens est, et ceux qui parmi vous abjureront leur religion et mourront infidèles, vaines seront pour eux leurs actions. Sourate al-Baqarah, verset 217. Et Allah le très haut dit, selon la traduction du sens est, et quiconque abjure la foi, alors vaine devient son action. Sourate al-Ma'idah, verset 5. Et Allah le très haut dit, selon la traduction du sens est, mais s'ils avaient donné à Allah des associés, alors tout ce qu'ils auraient fait eût certainement été vain. Évidemment, le cheikh apporte des adillas ici sur un point. Talib ilm, comment il se construit ? Eh bien, mémoriser ces adillas-là par rapport à ce qu'il a dit. Et Allah le très haut dit, dans la traduction du sens est, mais s'ils avaient donné à Allah des associés, alors tout ce qu'ils auraient fait eût certainement été vain. Surat al-An'am, verset 88. Et Allah le très haut dit, dans la traduction du sens est, si tu donnes des associés à Allah, ton œuvre sera certes vaine. Surat al-Zumar, verset 65. Et Allah le très haut dit, dans la traduction du sens est, c'est parce qu'ils ont de la répulsion pour ce que Allah a fait descendre, il a rendu donc vaines leurs œuvres. Surat Muhammad, verset 9. Vous avez remarqué qu'il y a pas mal de versets de Surat Muhammad qui ont été cités ici. Et Allah le très haut dit, dont la traduction du sens est, c'est parce qu'ils ont suivi ce qui courrouce Allah et qu'ils ont de la répulsion pour ce qui attire son agrément. Il a donc rendu vaines leurs œuvres. Surat Muhammad, verset 28. Et de même, si une action est liée à la mécréance, cela n'est pas accepté. Et pour preuve de cela, la parole d'Allah, dont la traduction du sens est Allah n'accepte dit l'autre que de la part des pieux. Surat al-Ma'idah, verset 27. Par rapport à quel verset et quelle histoire ? Les deux fils d'Adam, comment ils s'appellent ? Na'am. Et qu'il y en a un qui ? Qui a tué son frère. Pourquoi ? Vous avez compris maintenant ici le verset, la traduction du sens ? D'accord ? Allah n'accepte dit l'autre que de la part des pieux. Surat al-Ma'idah, verset 27. Et sa parole dont la traduction du sens est « Ceux qui ont mécru et obstrué le chemin d'Allah, il a rendu leurs œuvres vaines. » Surat Muhammad, verset 1. Et sa parole, subhanahu wa ta'ala, dont la traduction du sens est « Ce qui empêche leur don d'être agréé, c'est le fait qu'ils n'ont pas cru en Allah et son messager. » Surat Tawbah, verset 54. Et cela est apparent, le cheikh il dit. Ce qui est, cheikh l'islam, ibn Taymiyyah, rahimahullah ta'ala. Et n'annule les actions que la mécréance, car celui qui meurt sur la foi se doit obligatoirement d'entrer au paradis et d'être sorti de l'enfer s'il y est entré. Et si toutes ses actions étaient annulées, il ne serait pas entré du tout au paradis. Et car les actions ne sont annulées que parce qu'il s'y oppose et ne s'oppose aux actions de manière absolue que la mécréance. Et cela est connu parmi les fondements des gens de la sunna. Oui, il se peut que certaines actions soient annulées en raison de la présence de ce qui les pervertit. Comme Allah le Très-Haut dit, selon la traduction du sens est, « Ô les croyants, n'annulez pas vos aumônes par un rappel ou un tort. » Surat al-Baqarah, verset 264. Et c'est pour cela qu'Allah n'a annulé les actions dans son livre que par la mécréance. Fin de citation d'Ibn Taymiyyah dans As-Sarim al-Masloul, volume 1, page 59. Dernière page de cet annulatif ici, le cinquième, Qultu, ay, Cheikh Mohammed bin Omar bin Salim Bazmoul, Hafidahullah Ta'ala, Fakarahatu وبغض ما جاء به الرسول صلى الله عليه وسلم كفر يحبط العمل ويخرج من الملة ولو لم يعمل به. فمجرد اعتقاد ذلك في القلب محبط للعمل، لقوله تعالى ذلك بأنهم كرهوا ما أنزل الله فأحبط أعمالهم، وقال ذلك بأنهم اتبعوا ما أسخط الله وكرهوا رضوانه فأحبط أعمالهم. دوك شيخ محمد مازمول حفظه الله il dit je dis donc la répulsion et la détestation envers ceux avec lequel est venu le messager d'Allah sallallahu alayhi wa sallam est une mécréance qui annule les actions et fait sortir de la religion, et c'est même s'il n'agit pas en fonction de cette détestation. Et donc la croyance en elle-même dans le cœur annule les actions, et pour preuve de cela la parole d'Allah le Très-Haut dans la traduction du sens est: c'est parce qu'ils ont de la répulsion pour ce qu'Allah a fait descendre, il a rendu donc vaines leurs œuvres. Sourate Mohammed, verset 9. Et ils disent, dans la traduction du sens est, c'est parce qu'ils ont suivi ce qui courroucent d'Allah, c'est parce qu'ils ont suivi ce qui courroucent Allah et qu'ils ont de la répulsion pour ce qui attire son agrément, il a donc rendu vaines leurs œuvres. Et c'était le verset Sourate Mohammed, verset 28. On va terminer là-dessus, hein. Hein? Quelle histoire? Je voulais l'histoire. Hein? En général, les gens disent non, mais non, hein, cette histoire. Non, subhanallah, je voulais partager parce que subhanallah, ça, j'ai vu ce mot-là, ça m'a rappelé Cheikh Nasser, rahmatullah alayhi. Alayhi, rahmatullah. Cheikh Nasser, une question qui lui a été posée. Il dit, la question c'est لِمَادَ لَتَأْخُدُ أَنْتُمُ السَّلَفِيُونَ بِمَدْهَبِ مِنَ الْمَدَاهِبِ الْأَرْبَعَةِ كَمَا أَنَّكُمْ مُتَعَصِّبُونَ لِلْوَهَابِيَةِ. Pourquoi vous, les salafis, vous ne prenez pas un madhab parmi les quatre madhabs, comme vous êtes des gens qui sont fanatiques pour, dans le wahhabiyya, dans le wahhabisme? Réponse de Cheikh Al-Albani, rahmatullah. Il dit, كُلُّ مِنْ يَأْخُدُ مَا تَطْمَئِنُّ لِهِ نَفْسُهُ وَتَنْشَرِحُ وَيَنْشَرِحُ لَهُ صَدْرُهُ. Et chacun d'entre nous prend ce qui appelle son âme. D'accord. C'est une traduction, on ne va pas tout traduire parce que c'est trop long. Une traduction, je veux dire, du sens général de ce que Cheikh Al-Albani a dit, rahimahullah. Amma fihi ma fihi nasm al-kitab wa sunnah. Et quant à ce, au sujet duquel il y a un texte du Coran de la sunnah, fala nasmahu abadan. On ne pardonne pas, on n'excuse pas. La nara an natasamaha fi baqa' al-khilaf fihi. On ne pardonne pas, on n'excuse pas que la divergence reste à ce sujet. Pourquoi? Parce qu'il y a un texte, le Cheikh, il dit. D'accord. لأن حكم الله في ذلك صريح. Pourquoi? Parce que le jugement d'Allah en cela est clair, est explicite. فإن تنازعتم في شيء فردوه إلى الله والرسول إن كنتم تؤمنون بالله واليوم الآخر ذلك خير وأحسن تأويلا. D'accord, le verset dans la traduction du sens est, ou en tout cas le sens est, et c'est quoi? C'est l'ordre de revenir dans la dispute. Si vous disputez en une chose, et bien quoi? Si vous divergez en une chose, et bien renvoyez-la à Allah, c'est-à-dire au livre d'Allah. Et al Rasoul sallallahu alayhi wa sallam, il Qurtubi dans son tafsir, il a dit wa idha qubida ila sunnati. Et après son décès alayhi salatu wa sallam, à quoi? À sa sunnah alayhi salatu wa sallam. Sourate Nisa, verset 59. فَنَحْنُ السَّلَفِيُونَ لَا نَتَعَصَّبُ لِإِمَامٍ وَبِمَعْنَى آخَرَ لَا نَخْسِرُ عُلُومَ أَئِمَّةً علوم أئمة في سبيل الاستفادة بعلم واحد. Je crois que c'est pour toi ça. فنحن السلفيون نتعصب لإمام بمعنى آخر لا نخسر علوم أئمة في سبيل الاستفادة بعلم واحد. Et nous les salafis, on ne se fanatise pas pour un imam. Dans une autre manière de dire, dans un autre sens, nous ne perdons pas les sciences des imams, d'imams, afin de prendre bénéfice d'une seule science. Mais nous, de plus, au contraire, nous prenons bénéfice des sciences et de la compréhension et des hadiths de tous les imams. بينما المتعصبون للمذاهب ليسوا كذلك. Quant aux fanatiques, aux gens qui sont متعصب المذهب, c'est-à-dire ceux qui se fanatisent pour un madhab, ils sont quoi? Ils ne sont pas tels. فالحنفي لا يستفيد من الأئمة الثلاثة. Donc le Hanafi par exemple, il ne prend pas bénéfice des trois autres imams qui sont qui? Hein, c'est quoi? C'est Ahmed ibn Hanbal, Shafi'i et الإمام مالك. ولا من حديثهم ندلوا حديث ولا من فقههم ندلوا فقه ولا من لغتهم ندلوا لغة parlant la langue arabe. Voilà, mais ayez chez une ulumim, ni aucune chose de leur science. Et tu peux dire cela en ce qui concerne les suiveurs de tous les autres madhhab ou des autres madhhab. Il a lion, Najl Ahnaf, la yarfa'un aidihim an rukua. Jusqu'au jour d'aujourd'hui, on trouve que les Ahnaf, dans le rukua, ils ne lèvent pas leurs mains. Limada, pourquoi? Hakada le madhhab. Parce que c'est ça le madhhab. Arba'a wa 20 hadith sahih. Cheikh Hidi, il y a 24 hadiths authentiques sur le sujet. 50 hadiths sahih wa da'if wa hasan ila akhirih. Il y a 50 hadiths qui sont soit authentiques, soit faibles, soit hasan, etc. La hakada madhhabuna hatta al-yawm. Ils disent non, c'est comme ça notre madhhab jusqu'au jour d'aujourd'hui. Al-Malikiya yasbilu ou yasbilu salat comme les Shia. Donc les Malikiya, il faut ce qu'on appelle yasbilu, c'est-à-dire qu'il faut comme les Shia par rapport à la position des mains. Et il dit لماذا هكذا مذهبنا للحديث الصحيح في البخاري ومسلم لماذا il dit c'est comme ça notre madhhab. Il dit le cheikh dit les hadiths authentiques dans le Bukhari Muslim, c'est pourquoi يقولون ان هذه الاحاديث لم ياتي بها امامنا. Il dit ces hadiths notre imam il les a pas rapportés. المقصود ان هؤلاء الاتباع لا يستفيد كل منهم من علم الاخرين. Dit ce qu'on veut dire ici, ce qui est entendu, c'est que ceux-là, ces suiveurs-là, ne prennent pas le bénéfice de la science des autres. Nahnu bihaq nahtarimu al-aima. Nous vraiment nous respectons les imams. Wa innama yattahimunana bi annana la nahtarimu al-aima ala qa'idati ramatni bida'iha wa ansallat. Mais ils nous accusent que nous ne respectons pas les imams selon la règle en arabe qui dit ramatni bida'iha wa ansallat. Ça en quoi en français elle nous a Elle nous a jeté, elle nous a tiré dessus bida'iha wa ansallat. En résumé, c'est-à-dire qu'ils nous accusent quelque chose dont eux-mêmes ils sont quoi? Coupables. Wa al-maqsoud, il dit cheikh, nahnu nastafidu min 'ulumi kulli a'imma. Nous prenons bénéfice de la science de tous les imams. Nahnu la naqul 'anhum la yahtarimu al-a'imma. Nous ne disons pas à leur sujet qu'ils ne respectent pas les imams. Lakin naqul la yastafidu min 'ulumihim. Mais nous disons qu'ils ne prennent pas le bénéfice de leur science. Li'annahum ya'nuna bi'ihtiram al-a'imma. Car ils considèrent, ils veulent dire, en termes de respect pour les imams, an tunazzil al-imam manzilata nabi al-islam. Que tu mettes l'imam au même statut que le prophète de l'islam. Kayf, comment? La yajuz an mukhalifa an-nabi sallallahu alayhi wa sallam, kadalika la yajuz mukhalifa al-imam. Il dit comment? Eh bien, il dit, c'est le fait de dire que il nous est interdit, il nous est permis de transgresser, de nous opposer au prophète A.S.A.S.A.S.A.L.A.M. et bien de même, il nous est interdit de nous opposer ou de transgresser l'imam. D'accord? Nous ne croyons pas que c'est un islam. Mais au contraire, c'est l'opposé de l'islam. Et c'est le contraire, et c'est cela s'oppose à ce que les imams eux-mêmes ont ordonné à leurs suiveurs. هذه كلمة موجزة عن السلفيين وعن دعوتهم. Il a dit c'est une parole résumée sur les salafis et sur leur prêche. أما لفظة وهابي, on arrive petit à petit au mot dandana. أما لفظة وهابي أو وهابية فلا أصل لها في قاموس المسلمين اليوم. Il dit tant qu'au mot وهابي et وهابية, il n'y a aucun fondement là-dedans dans les dictionnaires des Arabes aujourd'hui. وإنما قلت أنها من باب التنابز بالألقاب. Mais elle n'est dite qu'en fait de quoi de se donner des sobriquets. Et ça, on arrive à l'histoire maintenant. Il dit, je profite de l'occasion, il disait souvent ça, Cheikh l'Albani, il dit, je profite de l'occasion, de l'opportunité pour dire qu'il y a 10 jours, j'ai été convoqué au service de renseignement à Damas, à l'époque. الرائد هناك قرأ من استدعاء بين يديه قال أنت تجتمع في كل جمعة مرتين وتدرس مذهب الوهابية. الرائد c'est le commandant, le commandant il lui a dit des services de renseignement là-bas, il a lu une convocation dans ses mains et il a dit toi tu te regroupes chaque vendredi avec des gens deux fois et tu enseignes le madhhab des wahhabis. فتكلمت بمثل هذا الكلام. Il a dit donc, je lui ai dit la même chose que ce qu'il vient de dire qu'on a traduit. Peut-être un peu plus, plus en détail. Et j'ai dit en plus de cela, j'ai rajouté qu'il y en a qui disent que moi je suis shafi'ite, hanafite, malikite, sunnite, chiite, etc. Mais dans le monde entier, il n'y a personne qui dit moi je suis wahhabi. Hein, et dans ce livre que j'ai, c'est des audios à la base, quand tu retranscris, etc. Et Cheikh Al-Albani était très fort là-dedans. Quand il parlait avec des gens des services de renseignement, des autorités, etc., il arrivait toujours à leur montrer les choses de cette manière-là, en fait. Et vous allez voir qu'après. Même on attend, on va voir, Inch'Allah. Donc le Cheikh, il dit. وَالْيَوْمْ فِي هَذَا الزَّمَنْ هُنَاكَ أُنَاسِ يُعْلِنُونَ الْكُفْرُ وَلَيَخْشَانُ وَلَيَسْتَحْيُونَ. Il a dit ici, aujourd'hui, il y a des gens qui déclarent ouvertement la mécréance. Et ils n'ont pas peur et ils n'ont pas honte. لِمَدَا نَحْنُ نَسْتَحْيُونَ مِنْ بَعْدِ النَّاسِ. Alors pourquoi est-ce que nous aurons honte de certaines personnes? C'est-à-dire de nous revendiquer wahhabi si on était vraiment wahhabi. إِذَا قِلَ لَنَا وَهَابِيَا. Si on nous dit de nous qu'on est des wahhabi, أَنَّا قُلْ لَهُمْ نَحْنُ نَعْمْ نَحْنُ وَهَابِيُونَ. Que l'on dise, eh bien oui, on est des wahhabi. وَوَهَابِيِّينَ مَنْسُوبِينَ إِلَى الْوَهَابِ. Et que nous sommes des wahhabi en affiliation à l'wahhab. المهم, المباحث بعدما تكلمت كلامي بصراحة سألني. قال أنت تريد إجازة التدريس. قلت له أنا بعرف أن إجازة التدريس للذي يدرس في المساجد. Regardez le Cheikh Al-Albani comment il parle. Dans les services de renseignement, il leur a parlé après un certain temps, il lui a dit directement, de manière explicite, il lui a demandé. Il dit, tu veux une permission pour enseigner, tu veux une licence pour enseigner. Regardez ce qu'il a dit Cheikh Al-Albani. Il a dit, moi je sais, ana ba'arif, c'est-à-dire en lahja souriya, ana ba'arif, que la licence pour enseigner, c'est pour celui qui veut enseigner à la mosquée, qui enseigne à la mosquée. Ou ana la ou de réseau fil masajid. Et moi j'enseigne pas dans les mosquées. Pourquoi donc une licence? Moi je sais que le pouvoir des awqaf, ministre des affaires religieuses, il ne dépasse pas la juridiction des mosquées. Il faut savoir ça que Cheikh Al-Albani à l'époque il avait été empêché, interdit d'enseigner dans les mosquées et d'enseigner dans les maisons en fait. D'accord? Mais s'il y a une juridiction, une administration qui dépasse les mosquées et qui va jusque dans les maisons des gens, eh bien c'est votre administration, le cheikh il dit. Et donc, cette demande elle vient de votre part. Il a dit oui, c'est vrai, c'est authentique, c'est correct. قلت كيف هذا؟ كم سأصفي الذي شغل البني؟ أنا يصعب علي جدا هكذا قلت له. ما سنبغي ديفيسيلي الذي جلي دي كم سأ. قلت إذا أصررت على هذا الطلب كفرد من أفراد الأمة لا يسعني إلا أن أنفذ لكن يصعب علي جدا. كيف أتحدث أمام الناس أن المباحث أمرتني أن لا أدرس علما؟ الشيخ كم ما سنبغي ديفيسيلي كم أشبه مدخل devant les gens et dire que les services de renseignement nous ont ordonné de ne pas enseigner la science aux gens. إِنَّهُمْ يَعْلَمُوا أَنَّنِي أُدَرِسُ الْكِتَابُ السُنَّةِ. Alors qu'ils savent que j'enseigne le Coran à la Sunna. فَأَنَا لَا أُحِبُّ أَنَا قُولَ أَنَا جَمَعَ. Donc, Cheikh, il a dit, moi, je ne voudrais pas leur dire je voudrais pas leur dire que vous m'avez empêché. Hein? Ils m'ont ordonné de ne pas enseigner le Coran à la Sunna. Regardez le niqash de Cheikh Al-Albani. Très fort là dans le niqash, rahmatullah alayh. وقبل أن أدخل معه على الرائد وصلني له سكرتيره. C'est-à-dire que avant de rentrer chez le commandant, c'est d'abord le secrétaire qui m'a accueilli, qui m'a amené chez lui. وسكرتيره سألني عن علاقتي بالمشايخ والمذاهب والأئمة ساعة ونصف. Le secrétaire m'a demandé, m'a questionné au sujet de ma relation avec les mashayikh et les quatre madhhab pendant une heure et demie. وأنا مع السكرتير ومن الكلمات التي سألني إياها هل تدرس في المساجد. Il a dit, donc le secrétaire lui a dit, parmi les mots qu'il lui a dit, il lui a questionné sur le fait, est-ce que tu enseignes dans les mosquées? Cheikh lui a dit, nous, nahnu al-masajid hawlaha la nudandin. Al-munudandin. Donc il a dit, nous, on ne parle pas autour des mosquées. Dandana. Qala, donc le secrétaire lui dit, ma hadhihi al-kalima nudandin. La nudandin. Le secrétaire lui a dit, c'est quoi ce mot nudandin? Regardez Cheikh Nasser, rahmatullah alayhi, muhaddith, sahib sunnah. Il a dit, فَذَكَّرْتُ لَهُ حَدِيثُ مُعَادِ بْنِ جَبَلْ. لما افتتح بالبقرة وصلى رجل وحده فقال عنه معاذ منافق لأنه فارق جماعة المسلمين. ولما بلغ الرجل بكلام معاذ عليه شكاه للرسول صلى الله عليه وسلم. لا في صفة صلاة حديث البخاري الذي أفتان أنت يا معاذ فقبل حديث شكاه للرسول صلى الله عليه وسلم فأرسل الرسول صلى الله عليه وسلم وراء معاذ وقال يا معاذ أفتان أنت يا معاذ 3 مرات بحسبك أن تقرأ بهم والشمس وضحاها والليل إذا يغشى ونحو من الصور. ثم التفت إلى هذا الرجل وقال له أنت ماذا تقرأ؟ قال لا أحسن دندنتك ودندنة معاذ وإنما أقول اللهم إني أسألك الجنة وأعوذ بك من النار. فقال عليه الصلاة والسلام حولها ندندن. فتبسم الرجل السكرتير متعجبا بهذا الحديث. Je vais traduire le hadith. Donc, cher, il utilise un mot, il dit وحولها ندندن. Le secrétaire, il ne connaît pas ce mot, il dit c'est quoi ce mot ندندن? ندندن. Donc, cher l'Albani, pour expliquer ce qu'on nous donne, il rapporte un hadith. Le hadith de Mu'adh ibn Jabal, lorsqu'il a prié, et il a prié avec le Baqara. C'est-à-dire qu'il a allongé la prière. D'accord? C'est dans quel cadre? Comment ça se fait que Mu'adh était imam? Qui se rappelle du cours qu'on avait fait? C'est ça, c'est qu'il prie avec le prophète, et puis il est dans son qom, et il faisait quoi? Il est guidé dans la prière. Mais il a allongé la prière, à tel point qu'il y a une personne qui est sortie de la prière. Et donc, Mu'adh, qu'est-ce qu'il lui a dit? Il lui a dit munafiq, hypocrite. Pourquoi? Parce qu'il a quitté le groupe des musulmans. Et lorsque l'homme a été informé de la parole de Mu'adh, il a été se plaindre à qui? Au messager d'Allah sallallahu alayhi wa sallam. Et donc le prophète, il a envoyé quelqu'un vers Mu'adh. Et il lui a donc dit à Mu'adh, afattan ou nantay Mu'adh, est-ce que tu es afattan ou Mu'adh 3 fois? Il a dit, ça te suffit de lire, de réciter dans la prière, et des sourates similaires, des sourates qui sont quoi? Qui sont courtes. Et donc, il s'est ensuite retourné vers cet homme et lui a dit, et toi, qu'est-ce que tu lis dans la prière? Et l'homme lui a dit, moi, je ne sais pas faire ta dandana, j'arrive pas. Il a dit, et qu'est-ce que tu dis alors? Et je dis uniquement, oh Allah, je te demande le paradis et je cherche refuge en toi ou auprès de toi contre l'enfer. Donc le prophète sallallahu alayhi wa sallam a dit, et autour de cela nous tournons. D'accord? Donc à ce moment-là, le secrétaire il a souri, est étonné de ce hadith. فالشاهد كنت أتكلم هناك سنوات طويلة حول الدعوة مبتعدا عن المساجد ولا ندندن حولها حول الدعوة. Donc il a dit, ce qui est le thème argumentatif ici, c'est que je parlais moi pendant de longues années autour de la da'wa, éloigné des mosquées, et nous parlons pas, nous tournons pas autour des mosquées, nous parlons pas autour des mosquées et autour de la da'wa. فقلت للرائد فيما بعد نحن تركنا المساجد. Il a dit, je vous dis au commandant après, nous avons délaissé les mosquées, nous avons quitté les mosquées. فالآن هل تتفضل أنت بإجازة؟ Est-ce que maintenant tu vas vouloir bien nous donner une licence, une permission? قال هذا يصعب علي لأنه ليس هناك قوانين في هذا البلد حول ذلك. Ça c'est difficile parce qu'il n'y a aucun pays, aucune loi dans ce pays sur ce sujet. فقلت له قلت لبعضهم وما سميتهم أيام الوحدة بين مصر وسوريا وكنت أتردد عليهم في إدلب. فحدث أنه جاء استدعاء لوزير الداخلية أن هذا الألباني يثير الفتن ويتكلم على الأئمة إلى آخره. على كل حال رابورت encore une autre histoire etc. Les histoires sont longues ici. Donc je voulais juste vous rapporter ça par rapport au mot quoi? Dandana. Yudandino dandana. Et c'est un mot que Cheikh Nasser rahmatullah alayh il utilisait beaucoup. Et regardez comment Cheikh répondait avec la sunna alayhi rahmatullah dans toutes ces situations. Qu'Allah lui fasse miséricorde. Et lui accorde le firdaus al-a'la. Wallahu a'lam wa subhanaka wa bihamdik ashhadu an la ilaha illa ant astaghfiruka wa atubu ilayk.